Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Écrire l'histoire des siens. Odessa, Oran, Sidi Bel Abbès, Paris, Rouen, Mont-Saint-Aignan, Paris, Madrid, Bordeaux, Burgos, Paris, c'est un voyage dans lequel chaque étape porte une histoire. D'ailleurs, le voyage lui-même est une histoire. Mais ce sont surtout des voyageurs et des voyageuses, ces immigrés, autant de destins qui racontent une histoire personnelle, familiale, dans laquelle Camille Lefebvre, historienne, part à la rencontre de ses grands-parents. Ils sont maîtres chez eux, et si tu vas chez eux, ben c'est eux qui commandent, c'est pas nous. La façon d'élever qu'ils ont, ben c'est la leur, c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai été élevée. Et toi, si tu aimes beaucoup ta grand-mère et ton grand-père, et tu arriveras très bien à les comprendre. C'est Françoise Dolto qui s'exprimait dans l'émission « Lorsque l'enfant en paraît » au milieu des années 1970. Bonjour Camille Lefebvre. Bonjour Xavier Mauduit. Comment vous appeliez vos grands-parents ? Alors chez moi, on appelait les grands-parents par leur prénom. Jamais papy et mamie, jamais pépé et mémé. Donc il y avait Catherine, Paul, Simone et Mariano, c'est ça ? Mariano, c'est ça. Ouais, c'est ça. Camille Lefebvre, c'est fascinant, hein, ces histoires de famille, parce qu'elles sont constitutives de ce que nous sommes. Vos grands-parents vous parlaient de leur histoire ? Alors, ils en parlaient avec moi, avec leurs petits-enfants, mais ils en parlaient surtout avec leurs propres enfants qui posaient des questions, mon père, ma mère, mais aussi mes oncles et tantes. Et surtout, j'ai grandi dans une famille où l'histoire était très présente à la table des déjeuners le dimanche et au goûter, aux fêtes d'anniversaire, parce qu'il y avait une sensibilité politique et une sensibilité à l'histoire qui faisait qu'il y avait toujours la grande histoire, même dans le quotidien. Ah oui, ça c'est intéressant toujours hein, de voir comment se transmet l'histoire. Camille Lefebvre, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Dans cette famille où l'on parle d'histoire, vous pensez que c'est là où vous avez trouvé ce goût de l'histoire ? C'est, en tout cas, quand j'ai dû me poser la question de qu'est-ce qui m'avait construit comme historienne, c'est ça qui m'est venu, cette idée que j'avais toujours, que l'histoire, la grande histoire, avait toujours fait partie de ma vie. Que, voilà, parler de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parler de la résistance, parler de l'exil des Juifs ou dans différentes parties du monde, toutes ces choses-là avaient nourri mon imaginaire et je m'étais toujours posé la question de la relation entre l'histoire individuelle, celle de ma famille, celle des gens que je côtoyais autour de moi, et cette grande histoire qui était aussi présente dans mon quotidien. Et puis, pour l'historienne, il y a le goût de l'archive, ça c'est essentiel aussi. Le goût de l'archive, c'est fouiner un peu, regarder, ouvrir les tiroirs, trouver des vieilles photos, des vieux documents. Vous avez connu cela ? Alors ça, c'est aussi un classique des familles où il y a du silence ou des secrets ou des non-dits. J'étais une petite fille qui adorait fouiller dans les tiroirs, trouver des vieux habits, trouver des vieux carnets avec écrit des choses qui avaient été, ou des lettres écrites par mes grands-parents ou par mes parents. Voilà, j'avais ce goût-là d'aller dans les greniers, de m'intéresser. Et effectivement, c'est devenu en quelque sorte un métier. Et quand je me suis intéressée à faire l'histoire donc, de mes grands-parents, j'ai tout de suite pensé que ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir qu'est-ce que les différents États, les différentes institutions avaient aussi conservé de leur histoire, en dehors de ma propre famille. Oui, parce que j'imagine que les repas de famille continuent, et puis que l'histoire est toujours présente au moment de servir, mais que vous, Camille Lefebvre, vous avez fait des études d'histoire. Vous êtes devenue historienne. Et dès lors, vous connaissez la méthode, la rigueur scientifique de l'histoire. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport à ces récits familiaux ? Alors ça, c'est vraiment une question qui est extrêmement importante. C'est que ce livre, il est issu de l'idée que je pouvais utiliser les méthodes de mon métier, que j'avais appris sur un terrain complètement différent, puisque je suis historienne de l'Afrique, avec des méthodes qui sont particulières à cet espace géographique, mais que j'avais les dispositions, les manières de faire, les méthodes qu'on apprend en histoire, elles sont applicables à n'importe quel sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est de dire, voilà, bah, moi je travaille sur l'Afrique, mais si je me mettais à travailler, donc dans ce cas-là, sur l'Espagne, ou alors sur la Normandie rurale, ou sur les Juifs de Kishinev ou d'Odessa, est-ce que j'y arriverais ? Est-ce que mes méthodes me suffiraient pour pouvoir aussi le traiter comme une historienne ? Et c'est ça que j'ai essayé de faire. À l'ombre de l'histoire des autres, c'est votre ouvrage Camille Lefebvre aux éditions de l'EHESS. À l'ombre de l'histoire des autres, on peut dire que nous sommes tous à l'ombre d'une histoire, déjà. Mais ces autres-là, ce ne sont pas n'importe quels autres, ce sont vos quatre grands-parents. Pourquoi eux particulièrement ? Alors effectivement, je pense que toutes les histoires de famille sont intéressantes, la mienne pas plus qu'une autre. Je pense que n'importe quelle histoire de famille peut faire l'objet d'un récit. Et ce qui est important, vous avez dit les déjeuners de famille continuent, mais les gens disparaissent. Et ça, c'est un point qui est important. Les grands-parents meurent, même parfois les parents meurent. Et une des choses aussi que le travail pour ce livre m'a appris, c'est que même quand les gens sont morts, même quand des histoires, on a l'impression que certaines histoires ont disparu, on peut toujours trouver des traces, on peut toujours trouver des choses. Et on peut toujours retrouver en quelque sorte des liens avec ses ancêtres qui ne sont plus là. Et alors, voilà, moi j'ai choisi de faire l'histoire de mes grands-parents parce que c'est comme dans beaucoup de familles liées à l'histoire traumatique de la Seconde Guerre mondiale qui a touché les quatre branches de cette famille-là, mais qui a touché la plupart des familles, même des familles ordinaires, de différentes manières. Et donc cette histoire traumatique qui avait laissé des silences, qui avait laissé des vides, elle m'invitait à en tant qu'historienne, voir si on pouvait trouver des choses pour remplir ces silences, pour essayer de les comprendre. Et donc ça, d'une certaine manière... Je dirais qu'on peut toujours trouver des choses. Oui, on peut toujours trouver des choses. C'est ça d'ailleurs qui est fascinant. Dans votre recherche, Camille Lefebvre, vous avez eu des surprises justement dans cette idée que c'est incroyable, mais l'on trouve toujours. Particulièrement quand on est une historienne de l'Afrique, qu'on a l'habitude de travailler avec un régime documentaire où il y a très peu de documentation, très peu de sources. Il y en a, hein, il y a des sources écrites, mais l'abondance de ce qui existe quand on se met à chercher sur la France est absolument fascinante pour une historienne de l'Afrique. Voilà, on peut retrouver sur le 19e siècle, dans des familles de ruraux très pauvres, qui ne possèdent pas de terre, qui n'ont quasiment pas de biens, on peut trouver des milliers d'informations, hein, comme Alain Corbin l'avait montré pour Pinago, mais on peut le faire pour sa propre famille et on peut vraiment retrouver des choses fascinantes qui m'ont vraiment impressionné. Oui, et puis ça permet de faire un clin d'œil à tous ceux, toutes celles qui, partout en France, font de la généalogie, recherchent, plongent dans les archives départementales. Et moi, je trouve ça fascinant, hein, ce travail mais majeur qui est fait. Alors vous, historienne de l'Afrique, Camille Lefebvre, des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara Sahel, un livre qui a reçu le prix du Sénat, hein, en 2022. Bravo, félicitations, c'est mérité. Non, historienne de l'Afrique, effectivement, Sahara, Sahel, pourquoi pas, mais dans votre rapport intime à l'objet d'étude, il y a une distance. Là, quand vous travaillez sur vos grands-parents, à l'ombre de l'histoire des autres, il y a une véritable proximité. Évidemment, l'historienne que vous êtes a toute une réflexion autour de ça, sur la proximité de son objet d'étude. Ah oui, c'est central. Ça n'a effectivement rien à voir de travailler sur un monde qui est... à la fois géographiquement et culturellement complètement éloigné du sien, où on fait un travail qui est tout le temps aussi de l'ordre de l'anthropologie, où on se questionne sur les manières dont les gens pensent, on essaye de s'intéresser à leur manière de raconter l'histoire, on s'intéresse à leur langue, on essaye de comprendre comment eux-mêmes racontent l'histoire, et ensuite de fabriquer une histoire aussi à partir de leur propre récit. Et là, inversement, j'étais au contraire dans la situation complètement inverse d'être au plus près de moi, des gens dont je croyais connaître l'histoire. Parce qu'il y a un aspect important, quand on travaille sur sa famille, on croit mécaniquement connaître le vrai. On croit qu'on sait. Et là, il faut se mettre un peu en danger, parce que quand on va dans les archives, ben, on ne trouve pas toujours ce que les gens ont raconté. On a des surprises. Et puis, l'archive, elle donne une autre image de ceux et celles qu'on a pourtant connus. Et donc, il faut faire un effort sur soi, à la fois pour s'ouvrir au fait qu'en fait, on croit savoir mais qu'on ne sait pas, et puis aussi s'intéresser à soi-même dans cette histoire, c'est-à-dire avoir une position réflexive qui est de se demander est-ce que j'essaye pas de voir les choses de cette manière-là parce que voilà, j'aimais beaucoup mon grand-père. Est-ce que j'ai assez de recul pour vraiment comprendre cette histoire? Est-ce que j'en vois des aspects négatifs? Est-ce que voilà, alors je le dis dans le livre, c'est un exercice limite au sens où ça reste mes grands-parents dont j'étais très proche et que j'aimais énormément, et donc cet amour et cette intimité a des effets sur la manière dont je raconte cette histoire. Mais les sciences sociales, c'est aussi expliciter ça, c'est aussi raconter, voilà, bah, je sais que même si je suis historienne, quand je vois ces archives, je reste quand même une petite fille, et donc je les regarde avec un œil qui est pas le même que quand je regarde des archives sur l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique, effectivement, sa race, à elle, votre ouvrage, je disais, c'est une sphère culturelle qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, vous avez évolué. C'est sûr que ce moment de l'occupation coloniale, c'est une chose très particulière. Mais étonnamment, dans votre propre histoire familiale, là aussi, il y a des sphères culturelles qu'il faut complètement revisiter. J'habitais donc à Odessa dans des conditions particulièrement bonnes. Ces gens étaient des gens aisés, mais bientôt s'imposa à mon attention la façon dont vivaient les travailleurs. Nous étions dans les étages, et alors je m'aperçus que les travailleurs vivaient dans les sous-sols, de véritables caves. Moi-même, je suis d'extraction très modeste, mes parents étaient ouvriers, et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison entre les conditions dans lesquelles j'avais grandi, moi, fille d'ouvrier, et les ouvriers de la Russie. C'est Suzanne Giraud que nous venons d'entendre, qui était institutrice dans une famille russe à Odessa de 1899 à 1920. Elle s'exprimait à la radio en 1966. Elle racontait son expérience. Camille Lefebvre, pourquoi commencer cette histoire à Odessa? Pourquoi ce clin d'œil? Donc, ma grand-mère, Catherine, sa mère venait d'Odessa ou de Kishinev. Alors là, on est tout de suite d'emblée dans ce que l'histoire permet de découvrir, c'est-à-dire que la mystique de ma famille plaçait l'histoire de ses ancêtres à Odessa sur plusieurs générations. Et dès que j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était resté à Odessa qu'une génération, peut-être une et demie, et qu'avant ils venaient d'ailleurs, pour certains de l'Empire ottoman, notamment de Smyrne, et pour d'autres de Biélorussie, et que même à la génération suivante, mon arrière-grand-mère avait vécu une partie de sa vie à Kishinev avant de partir en France. Et donc on voit d'emblée comment se construit une mémoire familiale, c'est-à-dire que on se focalise sur la génération qui est sur les deux générations en général qui sont au-dessus de soi, donc ses grands-parents, au maximum ses arrière-grands-parents, et très vite on perd la mémoire de tout ce qui s'est passé avant. Et quand on cherche, on réussit à retrouver ce genre de choses. Effectivement, c'est un monde complètement différent, dont la langue a été perdue dans ma famille, même si plusieurs membres de ma famille, comme ma tante, ont réappris le russe a posteriori. Mais il y a eu une rupture de transmission très forte. Et alors que les grands-parents de ma grand-mère parlaient le yiddish, le russe, le moldave, toutes ces langues-là ont disparu à la génération de ma grand-mère. Et donc, on voit comment un monde peut complètement disparaître. Il y a un moment extrêmement fort dans des histoires familiales sur lequel tout le monde cherche des explications. Et pas vous la première, et personne la première, c'est le moment par exemple du départ. Là c'est le cas. En l'occurrence, nous étions à Odessa, puis après il faut aller un petit peu en Moldavie aussi. Et puis il y a l'arrivée à Paris. Donc là ce sont vos grand-mères, arrière-arrière-grands-parents. Hein. C'est ça, c'est les parents de votre arrière-grand-mère Olga qui sont venus en France. C'est ça. Et Olga aussi, qui elle a grandi à Kishinev. Ce qui est intéressant, c'est bon, que c'est une histoire assez classique dans ce type de famille-là. Ils ont fui d'abord les pogroms à Odessa pour aller vers Kishinev, donc dans un exil proche. Et puis les pogroms, en quelque sorte, ont atteint aussi Kishinev. Et là, ils sont restés encore un peu. Ils venaient d'avoir un autre enfant. Et puis à un moment, la pression de ces pogroms est devenue trop forte, trop inquiétante, et ils ont décidé de partir. Là, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est comment retrouver la matérialité de ces exils, concrètement, comment les gens partent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été à pied, est-ce qu'ils ont pris un train, est-ce qu'ils ont pris un bateau, par quelle ville ils sont passés, par quel lieu, et parfois on cherche, parfois on ne trouve pas, parfois on a des récits familiaux et puis on n'arrive pas à trouver d'archives concrètes. Et là, c'est vraiment un point aussi historiographiquement intéressant de suivre les gens, pas seulement dans leur point d'arrivée ou dans leur point de départ, mais aussi dans cette matérialité de l'exil. Et puis ici, nous sommes sur une temporalité qui éloigne la transmission de la mémoire avec toutes les déformations possibles. Parce que, comme on le disait, là, c'est donc arrière-arrière-grands-parents avec votre arrière-grand-mère qui était toute gamine, qui arrive en France. Que reste-t-il de la mémoire dans une histoire comme ça ? Alors, il y a aussi un point qui est très important, c'est l'aspect traumatique du départ, lié comme il est lié à une très grande violence, à des pogroms qui ont été extrêmement violents à Kishinev. Et ma grand-mère raconte toujours que sa mère refusait d'en parler, ce qu'on connaît dans beaucoup de familles d'immigrés, hein, pas forcément seulement dans les familles juives de cette partie du monde-là, c'est-à-dire c'est du passé, ça sert à rien d'en parler, de toute façon c'est trop triste. C'était ce que disait toujours sa mère à ma grand-mère, et donc elle a grandi avec cette espèce de vide. Et là, c'est intéressant parce que ce vide-là, il se transmet générationnellement. Et c'était un vide qui obsédait ma mère, qui était passionnée par cette histoire d'Odessa, qui fantasmait cette histoire de cette partie de sa famille-là. Et donc, on a été plusieurs fois à Odessa ensemble. Elle y est retournée plusieurs fois. Elle avait cherché, elle n'était pas du tout historienne, mais elle voulait retrouver ce lien et essayer de comprendre cette histoire-là. Et ça, c'est un point que je pense beaucoup de familles partagent. Voilà, quand on a quelque chose, un vide comme ça, on cherche à se raccrocher et à essayer de trouver comment le comprendre. Oui, puis il y a l'aspect exotique, pour utiliser un mot un peu tiroir, mais Odessa fait rêver. Tout à fait. Rien que de dire Odessa, ça fait rêver. Et à cause de la littérature, oui. À cause du monde yiddish, à cause de cette grande époque de l'Odessa juive qui a donné lieu effectivement à tout un imaginaire très important et qui a nourri beaucoup de gens. Mais l'arrivée en France, ça c'est une autre histoire qui se commence en fait avec que faut-il garder de cet héritage, de tout ce qu'on a dans la tête, dans les bagages et qui vient de là-bas, et puis tout ce qu'il y a à construire sur le après. Vous avez cherché aussi le comprendre. Alors c'est toujours la question difficile hein, d'une forme de rupture ou non d'avec là où on vient. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de chercher une fois qu'on est en France et une fois que les archives sont en français. Parce que, évidemment, quand on est à Odessa ou à Kishinev, il faut maîtriser le russe. Ou alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de sites de généalogie qui proposent des traductions et qui aident à retrouver ces traces avec des phénomènes très intéressants autour de ces réseaux généalogiques, qui sont aussi des réseaux d'entraide où les gens se traduisent des lettres ou se traduisent des actes d'une partie du monde à une autre, donc on peut quand même trouver des choses. Mais en France, là, c'est beaucoup plus facile. On a les recensements de la ville de Paris si les gens habitent à Paris. On a effectivement beaucoup d'archives du commerce, par exemple, puisque cette famille-là travaillait dans les Chematès, donc comme ce qui a été décrit pour Odessa, mais qui a été aussi déplacé à Paris, donc dans le Marais, des gens qui travaillaient dans la confection, comme beaucoup des Juifs de cette époque-là. Et donc, on peut retrouver aussi beaucoup de choses pour comprendre quelle a pu être leur vie à ce moment-là. Et c'est dans cet univers que naît votre grand-mère Catherine en 1931. Et là, ça y est, on va dire que le lien est fait au sens où vous, qui êtes aussi acteur de cette histoire, Camille Lefebvre, vous avez la transmission directe de quelque chose. Les souvenirs autour de la table, là, quand on se raconte des choses, et puis la recherche aussi. Aller un petit peu tirer la manche en disant « raconte-moi, raconte-moi ». Et ce que j'ai essayé de faire aussi, et qui est intéressant à penser, c'est que je ne me suis pas intéressée seulement à mon arrière-grand-mère ou à ma grand-mère. J'ai essayé de reconstituer les Adelphies, donc tous les frères et sœurs qui étaient arrivés en France. Et ça, c'est très intéressant, je l'ai fait pour les quatre branches, parce que ça permet de voir comment des gens qui ont les mêmes parents, la même histoire au départ, ne vont pas forcément vivre la même vie en fonction de leur place dans la famille, en fonction de l'âge auquel ils arrivent. Pour l'immigration, c'est très important. Par exemple, si vous arrivez, vous avez 30 ans, vous n'allez pas reprendre des études, vous n'allez pas aller à l'école, donc vous allez moins vous faire des liens en français, avec des milieux en français. Vous allez sûrement plus de chances de vous mettre à travailler dans des choses que vous faisiez déjà dans le monde d'avant. Et inversement, les plus jeunes de la famille vont aller à l'école, vont plus apprendre le français, vont parfois choisir des noms français, vont se marier à des gens qu'ils auront rencontrés dans des réseaux plus français. Et donc, sur une même Adelphie, on va pouvoir avoir des situations complètement différentes. Et ça peut se poursuivre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et la persécution, et voir comment ça va jouer aussi dans la manière dont les gens vont vivre ces périodes. À l'ombre de l'histoire des autres, votre ouvrage Camille Lefebvre est passionnant en cela, parce que il y a ses quatre grands-parents, mais il n'y a pas seulement ses quatre grands-parents, c'est une histoire familiale, alors là au sens très large, et puis il y a l'analyse de l'historienne, le regard de l'historienne. C'est ça qui est très fort, parce que vous venez de le dire, dans cette histoire-là, il y a ce moment majeur de la Seconde Guerre mondiale pour une famille qui vient d'Odessa, qui a fui les pogroms et qui se retrouve en France dès le début du XXe siècle, et qui est confronté à la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez pu suivre les destins différents des uns des autres. Voilà, alors concrètement, par exemple, ça se joue sur la question de la nationalité, ceux qui deviennent français, ceux qui ne le sont pas, ceux qui restent des juifs étrangers. On sait bien aujourd'hui que les juifs étrangers ont été bien plus persécutés et bien plus déportés que les juifs qui avaient la nationalité française, mais évidemment, on a aussi le cas des naturalisations et des dénaturalisations. Certains des membres de cette famille ont été naturalisés par mariage, et parce qu'ils se sont mariés à des Français. Et ils ont eu des situations différentes de ceux qui ont été naturalisés en le demandant et qui étaient parfois mariés à des gens qui avaient le même parcours qu'eux, c'est-à-dire qui étaient aussi des juifs d'origine russe, qui eux, ensuite, voilà, c'est la plus jeune de la famille, Anna, qui elle a été naturalisée, puis dénaturalisée, et finalement déportée avec son mari et sa fille. Et donc on voit des situations différenciées à l'intérieur de cette même famille. Et ça, c'est un point important. Hein. Vous en avez parlé hier avec Annette Vivorka, hein, mais comment des gens comme la cousine de ma grand-mère qui écrit une lettre déchirante aux institutions françaises, parce qu'elle vient d'être dénaturalisée en leur disant je suis née en France, je ne parle que le français, j'ai fait toutes mes études en France, je n'ai aucun autre pays que la France, s'il vous plaît rendez-moi ma nationalité. Mais au moment où cette lettre arrive, elle a déjà été déportée, elle mourra à Auschwitz au moment de son arrivée. C'est une histoire humaine incarnée, c'est ça qui est très important. Il y a ces destins, mais ces destins qui se complètent, qui se croisent, et c'est aussi la démarche historique de croiser les destins pour comprendre des phénomènes, c'est ce qui porte cet ouvrage, À l'ombre de l'histoire des autres. Un ouvrage qui est aussi un voyage, nous parlions de naturalisation et de dénaturalisation, eh bien, poursuivons le voyage. Enrico Macias, en 1968, dans une émission consacrée aux Juifs d'Algérie. Camille Lefebvre, mais pourquoi nous trouvons-nous soudainement en Algérie? Parce que mon grand-père Paul, donc le mari de Catherine, lui vient d'une toute autre histoire, une histoire à ce moment-là, dans ce cas-là aussi juive, qui est celle des Juifs du Maghreb, donc, et en particulier des Juifs d'Algérie, puisqu'il est né à Sidi Bel Abbès. Avec toujours cette idée de naturalisation de la nationalité française pour ces Juifs d'Algérie. Voilà, alors c'est un enjeu vraiment fondamental. Alors, je voudrais dire d'emblée que un point qui est intéressant d'un point de vue en quelque sorte presque psychologique, c'est-à-dire que j'avais pas mesuré avant de travailler concrètement sur ma famille à quel point l'histoire de mon grand-père, donc juif d'Algérie, était aussi une histoire très coloniale, une histoire fondamentalement marquée par la colonisation. Et pourtant, moi, en tant que spécialiste de la colonisation, je l'avais pas vu exactement comme ça, certainement parce que dans ma famille, on parlait peu du rôle de la colonisation dans le fait que ces Juifs maghrébins sont devenus des Juifs français. Parce que l'enjeu central, c'est que la colonisation, donc l'occupation de l'Algérie en 1830, arrive dans un monde qui est un monde où vivent des Arabes, des Berbères, mais aussi une communauté juive assez importante, qui est très urbaine. Cette communauté juive va être en quelque sorte, à un moment donné, choisie par les colonisateurs comme un moyen de renforcer la part dite européenne de la société coloniale. Et donc, dans les années 1870, va leur être accordée la nationalité française à l'ensemble de cette communauté des Juifs dans les frontières de ce qui était au moment de la colonisation l'Algérie. Le décret Crémieux. Le fameux décret Crémieux qui va avoir des effets énormes, c'est-à-dire que ces Juifs maghrébins qui vivaient depuis plusieurs siècles au Maghreb, qui avaient une vie qui était totalement maghrébine, qui vivait en parlant arabe, qui s'habillait, qui vivait comme les gens des villes dans lesquelles ils vivaient, vont être intégrés à la société française et vont, pour certains, faire le choix de devenir complètement français, donnant des noms français à leurs enfants, les mettant à l'école, leur faisant participer à l'armée, mais aussi aux institutions. Et donc, il va y avoir toute une partie de cette communauté qui va complètement perdre ce qui était une de ses spécificités et devenir complètement française. Et cette histoire-là, c'est celle de votre grand-père, Paul Seban. Paul Seban. C'est cette histoire qui est portée par un individu venu d'une communauté, d'une origine, mais qui lui-même construit sa propre histoire, comme nous tous, et qui est porteur d'idées politiques et d'engagement. Oui, alors ce qui est intéressant et particulier dans ce contexte-là, c'est que mon grand-père a écrit pour une circulation intrafamiliale sa propre autobiographie, un récit de vie, un récit de l'histoire de sa famille, puis de sa vie professionnelle, puisqu'il est devenu cinéaste ensuite. Et donc, il y avait cet écrit, ces centaines de pages qu'il avait dans lequel il avait raconté sa propre vie. Et donc, je l'ai analysé comme une source et j'ai aussi essayé de partir de là pour voir comment je pouvais comprendre ce qui, par rapport à d'autres archives ou à d'autres documents, ce qu'il avait écrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que son frère, Georges, est encore vivant et nous avons aussi beaucoup eu d'entretiens ensemble et c'est très intéressant parce que justement, on a deux frères à deux années de différence. L'un a écrit et puis n'est plus là. Et l'autre est là et peut dire, moi, j'ai pas tout à fait vu les choses comme ça. Paul, il dit ça, mais moi, j'ai pas ce souvenir-là. Et puis après, il y a les archives. Et avec tout ça, on peut essayer de complexifier un peu cette vision-là. Mais l'enjeu important dans cette famille-là, c'est que, voilà, ils sont non seulement devenus français. Hein, et ça, c'est un point intéressant parce qu'ils disent que, par exemple, enfin, Georges raconte à quel point ils trouvaient bizarre leur grand-mère qui avait tout un tas d'habitudes qui considéraient comme archaïque et comme voués à disparaître. Et eux, ils voulaient être absolument modernes, ils voulaient être absolument français, ne pas parler arabe. Et comment, dans la famille, plusieurs ont regretté de ne pas avoir appris l'arabe aussi, de ne pas avoir, alors que c'était la langue que parlaient leur grand-mère et leur mère. Et un point important, c'est que cette famille-là est aussi devenue communiste. Et là, ça a joué un rôle très important aussi dans leur histoire. Et puis, cette histoire-là est racontée, vous venez de nous le dire, Camille Lefebvre. Mais alors, la chance du document, un peu, une sorte de livre de transmission familiale, sont des mémoires, je ne sais pas comment... Il a voulu faire, Paul, au moment d'écrire sa vie, d'autobiographie, mais c'est le document sensationnel. Sauf que vous êtes historienne, et là vous vous dites méfiance. Donc, vous avez croisé avec le témoignage de votre grand-oncle, très bien. Et Agnès Vivorca, quand nous réfléchissions dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à réécouter sur le site franceculture.fr et l'appli Radio France, sur cette écriture de l'histoire familiale, disait « Le témoignage, c'est pas si mal ». Et l'archive, en revanche, il faut s'en méfier. Alors oui, alors l'archive dans mon cas, il faut particulièrement, enfin, comme elle l'a dit hier, hein, aussi dans tous les cas d'histoire de migration et d'immigration, il y a des choses effectivement qui ne sont pas vraies parce que les gens, quand ils arrivent dans un pays, ils sont obligés de demander des papiers, d'avoir des autorisations et pour ça, ils sont aussi obligés de produire une histoire qui est plus vraisemblable que vraie. Parce qu'il faut que cette histoire, elle soit acceptable par les institutions. Et ils construisent aussi un discours qui peut être accepté par les institutions. Et voilà, pour mon grand-père Paul, c'était pas le cas puisque lui, il avait déjà la nationalité française. Mais pour mon autre grand-père Mariano, il y a un enjeu central autour du fait que les archives ne disent quasiment que des choses fausses sur lui puisqu'il a menti à la plupart des institutions. C'est ça qui est passionnant d'avoir étudié ses quatre grands-parents. Donc il y a Catherine... venu d'Odessa de manière très lointaine, et puis Paul qui nous conduit dans l'Algérie colonisée, et puis il y a cette autre famille. Alors de l'autre côté, les deux grands-parents paternels qui, là aussi, racontent d'autres histoires. Vous venez d'évoquer Mariano. Et là, Mariano, c'est Mariano Peña Hernando. Je n'ai pas besoin de souligner une origine qui nous porte un petit peu vers l'Espagne. Voilà, donc c'est le père de mon père. On constatera d'emblée que je ne porte pas son nom, ni mon père d'ailleurs, puisque il a été clandestin quasiment pendant 50 ans, depuis son arrivée en France jusqu'à la mort de Franco. Il a une histoire un peu particulière puisqu'il a d'abord fait la guerre d'Espagne, puis il a ensuite été résistant en France, puis ensuite emprisonné dans les prisons franquistes, puis ensuite revenu en France où là il a continué à être clandestin en travaillant pour le Parti communiste espagnol. C'est sûr qu'une grande partie de mon lien à l'histoire est liée à cette personnalité assez exceptionnelle, voilà, qui était aussi un grand-père très aimant, que j'adorais, et avec qui je partageais beaucoup de choses. Et en même temps, il y avait toute cette histoire, voilà, le fait qu'il avait vécu une vie absolument extraordinaire et qu'il vivait une vie complètement normale et que je sentais bien qu'il y avait des choses très fortes, mais que nous tous, mon père, moi, mon oncle, tous ceux qui, mon frère, tous ceux qui l'ont connu, se disaient qu'il y avait quelque chose sans savoir exactement. Et là, j'ai essayé de retrouver tout ce qu'on ne savait pas. Ah oui, et puis alors le chapitre, hein, Madrid, Bordeaux, Burgos, Paris est fou. Parce que c'est de l'aventure. Là, Camille Lefebvre, cette histoire-là sur ce monsieur Mariano, une vie tranquille, mais une vie tranquille de grand-père, quand vous creusez, c'est un monde entier. Et authentiquement, je vais pas dire épopée, ça irait trop loin, mais une vraie aventure, parce que vous êtes historienne, il y a les documents dans ce livre À l'ombre de l'histoire des autres, et c'est fou. Oui, c'est une histoire assez folle. On savait qu'il avait une histoire assez folle, mais on mesurait pas à quel point. Par exemple, on avait toujours dit qu'on portait pas son nom parce qu'il était clandestin, mais c'est pas la même chose de savoir ça. Même en tant qu'historienne, au début, quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit clandestin de quoi exactement ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça recouvre exactement ce mot concrètement ? Et donc je me suis mis à chercher. Bon, ça commence tout bêtement par le fait que sur l'acte de naissance de mon père ou de mon oncle, ils sont nés de pères inconnus. Et puis une mention a été rajoutée dans les années après la mort de Franco en 1976, je crois, disant leur donnant une filiation avec leur père. Mais plus que ça, dès qu'on commence à chercher, donc je me suis mis à chercher là où on peut trouver des étrangers dans les années 50-60, donc à l'OFPRA, à l'Office des réfugiés, mais aussi au RG, les archives de la police. Alors là, c'est un point qui est intéressant pour tous ceux qui ont des familles qui sont liées à l'immigration, même des familles sans histoire qui n'ont rien. La police fait une surveillance importante des étrangers et donc dans les archives de la police, on peut trouver beaucoup de traces, même de gens très ordinaires, parce qu'ils ont été surveillés à différents moments. Donc c'est quelque chose à aller voir si on s'intéresse à l'histoire de sa famille. Et là, pour moi, ça m'a fait un choc en tant qu'historienne d'arriver à l'OFPRA, de recevoir son dossier, de l'ouvrir et de me rendre compte que tout ce qui était dans le dossier de l'OFPRA était faux. C'est-à-dire que quand on lui a demandé qui il était, enfin plutôt quand il a fait la demande pour devenir réfugié, il a construit une histoire qui n'était, moi je le sais, pas la sienne, puisqu'on est en 1958, mon père a déjà 3 ans, son frère a déjà 5 ans, il vit en France depuis 9 ans avec ma grand-mère, il est marié, il habite à Clamart, non, enfin il n'est pas marié, mais il habite à Clamart, il a une vie maritale, et dans son dossier, il est indiqué qu'il vient d'arriver en France, donc en 1958, il est indiqué qu'il est célibataire, qu'il vit à Nanterre, chez une personne dont aucun d'entre nous n'avait jamais entendu parler, qui travaille dans les chantiers comme comptable, ce qui, aucun d'entre nous n'a jamais été son métier. Et il y a même une lettre dans laquelle il construit toute une histoire en espagnol, expliquant que si il a quitté la France en 43, c'était parce qu'il voulait aller l'Espagne. La France, parce qu'il était en 43 comme résistant. Ah oui, il est reparti en Espagne pour essayer pour rejoindre la résistance franquiste. C'est là qu'il s'est fait arrêter. Mais c'est pas ça qu'il dit dans sa lettre à l'OFPRA. Ce qu'il dit, c'est qu'il était parti de France pour aller en Algérie, et donc pas pour rejoindre l'Espagne, parce qu'il faut construire un lien avec la France. On peut pas dire qu'on est parti pour retourner en Espagne. Et donc voilà. Donc le choc de voir qu'on peut, voilà, on cherche, quand on est historien, on cherche ça. On cherche un dossier personnel sur les personnes qui nous intéressent. Et on espère que ce dossier va nous donner toutes les réponses qu'on se pose sur les individus sur lesquels on cherche des choses. Et là, se rendre compte que, on peut trouver un dossier, qu'à l'intérieur de ce dossier, tout est faux. Et ensuite, j'ai été au RG, à la police. Et là, c'est pareil. On a une série de dossiers tous les 2 ans sur lui. Et à aucun moment, les renseignements généraux ni la police ne se sont rendus compte que la plupart des informations qu'il donnait étaient fausses et aucun n'a fait le lien de sa double vie, c'est-à-dire cette vie officielle de papier, de petit comptable travaillant pour un chantier et la réalité de sa vie qui est d'avoir une vie de famille, de vivre à Clamart, mais d'être aussi un travailleur résistant clandestin pour le Parti communiste espagnol, qui continue à faire un bulletin qu'il transmet en Espagne et à aider les résistants qui sont en Espagne, et même parfois à faire des allers-retours avec l'Espagne pour la résistance. Camille Lefebvre, historienne, vous trouvez ces dossiers, ils sont faux, et vous le savez parce que vous êtes porteuse d'une mémoire familiale, mais ça ne vous suffit pas. Parce que vous voulez les documents pour savoir un petit peu le vécu, le vrai document, celui qui va confirmer cette mémoire familiale. Voilà, alors il y avait dans cette histoire avec mon grand-père des trous. Alors ça, c'est un point qui est important. Et là c'est mon père qui joue un rôle dans cette histoire. Je parlais des dimanches où on parlait d'histoires de famille. Et en particulier, mon père essayait toujours de comprendre les trous dans l'histoire de mon grand-père. Il y avait des années dont il ne disait jamais rien. Et mon père lui disait, mais en telle année, là, t'étais où exactement? Et ça, pendant tel événement, tu faisais quoi? Et mon grand-père était toujours un peu fuyant et parlait de l'histoire générale sans jamais parler de concrètement ces moments-là. Et bon, forcément, en tant qu'historienne, ça rend un peu obsessionnel. Donc on se met à fouiller, à chercher. Mais cette histoire, c'est pas finalement moi qui l'ai trouvée, c'est l'histoire elle-même qui nous a trouvés, puisque il se trouve qu'en fait mon grand-père a eu une première histoire d'amour dont il n'avait jamais parlé, et c'est la fille de cette femme qu'il a aimée, qui s'appelait Rosario, qui a retrouvé la trace de mon père et qui l'a contacté en lui disant écoutez, j'ai vu que vous étiez le fils de Mariano Hernando Pagna, et ma mère a été son grand amour à un moment donné, et elle est encore vivante et elle voudrait vous rencontrer. Et par contre, c'est par les archives que j'ai pu reconstituer que finalement beaucoup des silences de mon grand-père correspondaient à des moments où en fait il était avec cette femme, où il vivait cette histoire d'amour avec cette femme, comme si dans son récit, il n'avait pas pu ne pas parler d'elle, enfin, il n'avait pu ne pas parler d'elle, mais qu'il ne pouvait même pas parler des années où il était avec elle, parce que voilà, c'est comme si elles étaient, enfin, elles constituaient des trous. Et là, c'est intéressant parce que c'est vraiment une sorte de hors-champ de l'histoire, au sens où si j'avais pas été sa petite fille, si la fille de cette femme n'avait pas contacté mon père, je n'aurais jamais pu retrouver, reconstituer cette histoire. Hors-champ de l'histoire, c'est le titre justement dans votre ouvrage, Camille Lefebvre, de ce passage, hors-champ. C'est intéressant que vous utilisiez ce mot hors-champ, parce que c'est une expression qui nous renvoie au monde du cinéma, et peut-être aussi dès lors un clin d'œil à votre autre grand-père, pas Mariano, mais Paul. Attention, elle arrive, elle est là, c'est elle, oui, c'est Marguerite Duras. Et vous allez vous-même porter au cinéma, en tant que metteur en scène, la musica. Oui. Là, il y a un rapport direct et qui vous concerne, puisque c'est vous qui allez faire la mise en scène cinématographique entre le théâtre et le cinéma. Je ne serai pas toute seule. Je ferai la mise en scène avec Paul Seban. C'est un réalisateur de la télévision. J'ai fait plusieurs émissions avec lui, nous le connaissons bien. Et j'ai une entière confiance en lui. Je vais enfin passer derrière la caméra. Quelle impression avez-vous au moment de franchir ce pas décisif? Qu'il est juste que je le franchisse. Vous savez, c'est assez pénible de donner des indications scéniques très poussées à un réalisateur et puis de se retirer. On le fait une fois, mais au bout de 6 fois, 7 fois, on a envie d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Aller jusqu'au bout de l'expérience, c'est Marguerite Duras qui s'exprimait sur France Culture en 1966, où elle évoque votre grand-père, Camille Lefebvre, Paul Seban. C'est joli, hein, Marguerite Duras, c'était jusqu'au bout de l'expérience. Mais vous aussi, vous avez été jusqu'au bout de l'expérience. C'est très, très émouvant, évidemment, d'entendre ça. Voilà, donc mon grand-père quitte l'Algérie bien avant la guerre d'Algérie, dès 1947, avec déjà une fascination très forte pour le cinéma, hein, qui est partagée par pas mal de ces jeunes juifs d'Algérie qui ont grandi dans cette Algérie, mais avec le cinéma américain qui les a nourris. Et puis il faut aussi penser que la libération de l'Afrique du Nord par les soldats américains a eu un effet très important sur ces juifs qui avaient été très persécutés dans l'Algérie coloniale et qui ont été libérés par ces soldats américains, qui leur ont appris l'anglais pour beaucoup, et ça leur a servi ensuite toute sa vie. Par exemple, mon grand-père parlait anglais, et ça lui a permis d'être assistant d'Orson Welles ensuite au début de sa carrière. Pour le film Le Procès, hein, c'est ça, dans Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, comme son frère, partent de l'Algérie avec cette idée qu'ils sont des jeunes communistes et qu'ils ne veulent pas vivre dans une société qui est caractérisée par une telle oppression. L'idée d'une telle inégalité fondamentale de la société coloniale leur paraît insupportable et ils veulent partir en France aussi pour quitter ces inégalités sociales liées à la domination coloniale. Et en France, voilà, il fait le choix du cinéma, il va aller à l'IDEC et il va d'abord commencer comme assistant et puis ensuite devenir réalisateur ici, dans cette maison, enfin à l'ORTF. Et là, il y a une autre histoire à raconter qui est très intéressante, celle de ces réalisateurs communistes des années 50-60, voilà, et de leur relation complexe avec cette institution de la télévision nationale, de l'ORTF et des tensions très fortes qu'il va y avoir à l'intérieur, à la fois une liberté créative fascinante aussi quand on y pense aujourd'hui, voilà, on fait des films avec Marguerite Duras et en même temps une pression de l'institution très forte. C'est intéressant, hein, cette carrière de réalisateur, d'assistant réalisateur, et puis pour des films nous avons cité Le Procès d'Orson Welles, mais il y a French Cancan de Jean Renoir aussi, puis il y en a plein d'autres, et puis réalisateur pour la radio ici dans la maison de la radio et de la musique avec l'émission Lecture pour tous de Pierre Dumayet. Ce sont des noms que nous croisons régulièrement avec Alexandre Manzanares qui réalise Le Cours de l'Histoire sur France Culture, aujourd'hui à la technique Florent Bujon, parce que ce sont des noms qui apparaissent, les noms des réalisateurs, et dans cette histoire-là, il y a ce moment de quelqu'un qui raconte sa propre histoire, mais qui lui-même est réalisateur. Alors, c'est intéressant de voir que parmi ses quatre grands-parents, Catherine, je dis Odessa, mais c'est pour donner une référence, Marionneau et Simone, il y en a un, Paul, qui a écrit concrètement son histoire, et c'est lui qui est dans ce monde de fiction, alors toujours encore de la méfiance. Oui, mais la méfiance, ou en tout cas le questionnement de la documentation, c'est la base de notre métier en tant qu'historien et historienne. Et en fait, on questionne les documents, qu'ils soient écrits, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics. C'est ça peut-être la base de la méthodologie historique, c'est de toujours se questionner pourquoi la personne qui a écrit cet écrit-là écrit, pourquoi cette institution à ce moment-là produit ce type de discours. Et c'est pas parce qu'on est dans une archive officielle institutionnelle que c'est plus vrai que dans un témoignage. De toute façon, ça doit être soumis à la même critique, et c'est uniquement le croisement de ces différentes documentations entre elles qui permet de tendre vers le vrai. Et donc ça... Voilà, c'est la base de notre métier, qu'on travaille sur sa famille ou sur autre chose, et donc on l'applique. Voilà, la rigueur, vous avez raison de le rappeler, pour le rappeler sans cesse, Camille Lefebvre. Alors, votre grand-mère Catherine, Odessa, tout un univers sublime. Paul, l'Algérie coloniale. Mariano, l'Espagne, la guerre d'Espagne. Il en manque un, en réalité, il en manque une. Léger changement d'ambiance. Quand tout renaît à l'espérance, et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Tous les Normands dont je suis sont debout, la main sur le cœur. Une sorte d'hymne à la Normandie. Camille Lefebvre, Simone, votre grand-mère, nous conduit en Normandie, du côté de Rouen, disons-le. Alors, bien sûr, au moment d'écrire des histoires familiales, nous l'avons entendu avec Catherine, Odessa, la traversée, l'arrivée en France de l'arrière-grand-mère, et Catherine qui est née en France, Paul, l'Algérie, la réalisation, Mariano, alors là, c'est l'aventure, c'est la guerre d'Espagne, c'est la résistance. Simone, c'est la Normandie. C'est autre chose, parce que dès lors, l'histoire racontée est tout autre, mais elle est tout aussi passionnante, parce que ce sont des évolutions sociales majeures. Alors, c'est peut-être une des découvertes de cette recherche. Alors, n'importe quel spécialiste de la France va trouver que je ne me rendais peut-être pas compte de ce que c'était. Mais concrètement, en fait, il y a aussi un déplacement d'un monde à un autre dans cette histoire familiale-là. Il y a aussi un changement culturel majeur entre donc ma grand-mère Simone et ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents qui n'ont absolument pas le même genre de vie, puisqu'elle, elle était institutrice, elle était éduquée, elle savait lire et écrire, elle aimait lire, et elle vient d'une famille de charbonniers ou de bergers, donc des ruraux très pauvres de Normandie, qui possédaient pas de terre, qui vivaient comme journaliers, payés à la tâche, dont son grand-père ne savait pas signer. Donc on avait vraiment enfin, une situation sociale extrêmement précaire, hein. Les charbonniers sont ceux qui vivent aux abords de la forêt et qui vont faire le charbon dans la forêt et qui ensuite le vendent. Voilà, donc une vie de précarité très forte. Et en quelque sorte, là aussi, il y a eu une rupture de transmission parce qu'elle ne parlait jamais de ce monde rural. Elle ne parlait pourtant, quand on reconstitue, on se rend compte que sur plusieurs siècles, les gens ont vécu exactement dans les mêmes villages ou alors dans une dizaine de petits villages qui sont dans un rayon de 20 km². Donc, il y avait des ancrages locaux qui étaient extrêmement forts. Mais en partant à la ville, en arrivant à Rouen, en quelque sorte, elle avait complètement rompu aussi avec cette vie paysanne. Alors, ses parents en parlaient encore, et une des cousines de mon père, Danielle, a des souvenirs de récits familiaux, par exemple, d'un bébé perdu pendant qu'on faisait du charbon et qu'on avait oublié. Et voilà, qu'on était revenu chercher plus tard. Mais moi, ces histoires-là, ma grand-mère ne m'en a jamais parlé. Elle parlait pas du tout de ça. Elle parlait de la Première Guerre mondiale qui avait beaucoup marqué son père. Elle parlait de son grand-père qui avait vécu avec elle, mais elle le présentait comme un cantonnier, ce qui est la dernière partie de sa vie, et pas comme un charbonnier, ce qu'il avait été au début et puis ce qu'avait été toute sa famille. Et donc là aussi, ça m'a beaucoup intéressée de me rendre compte que j'avais l'impression que c'était une histoire complètement différente et qu'on retrouvait ce même déplacement d'un monde à un autre et cette même transformation complète, à la fois aussi de langue, mais de mode de vie à l'intérieur de l'espace de la France et même à l'intérieur de l'espace de la Normandie, entre la ville et les campagnes. C'est ça qui est passionnant dans ce livre « À l'ombre des autres », c'est de voir ces quatre grands-parents venus d'univers complètement différents qui se retrouvent. Alors, ils se retrouvent à travers vous, Camille Lefebvre, déjà. Enfin, vous êtes là, la réunion de tous ces quatre, et puis votre père et votre mère, bien sûr. Mais avec, malgré tout, des analyses qui permettent de faire des liens dans le vécu. Vous venez de l'évoquer, cette rupture de langue, ne serait-ce que la langue. Pour la Normandie, c'est le cas, et on le sait que jusqu'au XXe siècle, le français n'était pas la langue maternelle de la majorité des Français et des petites Françaises. Eh bien, là, c'est ça, ce sont des gens qui, pour leur existence, ont connu des changements de langue. Des changements de langue, des changements de monde, des changements de mode de vie, des changements concrets, hein, le rapport à l'écrit, le rapport à l'administration, le rapport à la ville, hein, vivre en ville ou vivre à la campagne, des changements culturels aussi, hein, quand il y a eu des déplacements et des migrations. Mais on est vraiment aussi, et là c'est là que le livre touche peut-être à quelque chose de ce qu'a été la transition entre le 19e et le 20e siècle, une transformation en trois générations majeure de la vie des individus, de la manière dont vivent les gens. Et on peut reconstituer à travers des histoires familiales comment ces gens-là ont été en quelque sorte à l'interface entre deux mondes, ces grands-parents-là. C'est-à-dire qu'ils ont connu des grands-parents à eux qui avaient vécu un monde d'avant, qui ne comprenaient pas toujours, qui avaient vécu soit dans un monde maghrébin, ou alors dans le monde du Yiddishland d'Odessa, ou alors dans ce monde de la ruralité de Normandie, où on parlait patois et où on vivait en lien complet avec la nature, et puis qui se sont retrouvés à vivre dans des villes, dans les années 50, à Paris, et à avoir, et c'est ça qui les a peut-être réunis aussi, un intérêt très fort pour le communisme et la transformation de la société. Oui. Parce que c'est ce qui les a réunis. Parce qu'il faut le dire, hein, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui les a réunis ? Parce que l'amour est une chose dans nos existences, mais enfin bon, il faut bien croiser la personne. Vous venez de l'évoquer, il y a aussi l'engagement communiste. départ pour un voyage autour du monde. La fête de l'humanité est la fête de l'amitié des peuples. On pense aux moissons de là-bas, aux moissons de la paix, à la Grande République de Chine, au Vietnam héroïque, à toutes les démocraties populaires, à ce monde immense et neuf où 800 millions d'hommes construisent l'avenir et recueillent déjà les fruits du présent. En 1953, la fête de l'humanité présentée dans, en l'occurrence ici, les archives du Parti communiste français, Camille Lefebvre. Le communisme, élément qui permet de comprendre ces réunions de personnes qui deviennent des couples et qui font des enfants. Dans la plupart de ces branches, enfin même dans toutes ces branches, il y a un intérêt pour le communisme, peut-être moins dans la partie d'Odessa. Pourtant, il y avait beaucoup aussi de juifs d'Odessa qui étaient, qui sont devenus communistes ou qui ont été résistants. Mais c'est dans au moins trois des branches vraiment, vraiment centrales. Dans la branche normande aussi, il y a vraiment, la sœur de ma grand-mère, Paulette, a été une grande résistante en Normandie. Là, c'est un point intéressant aussi, la disparition des femmes résistantes. Mais bon, c'est un point que j'explicite dans le livre. La disparition, oui, parce que c'est vrai que la mémoire est... Elles sont beaucoup plus difficiles sélective. À trouver dans les archives. Oui. On a beaucoup plus valorisé les hommes, y compris à l'intérieur du Parti communiste. Et donc, il y a encore des histoires à trouver sur ces femmes résistantes et sur leur rôle réel. Mais plus largement, il y a vraiment... et ça, c'est plus large que le communisme, une fascination pour la modernité et pour la transformation sociale. L'idée qu'on va construire un monde plus juste et que... dans le cas de cette famille-là, ça passera par le communisme, et était très forte. Il faut dire que mes parents se sont rencontrés dans les jeunesses communistes, et qu'il y avait une sociabilité communiste très forte dans ma famille. Voilà, on adorait Aragon, on allait à la fête de l'humanité, on écoutait Jean Ferrat, enfin des choses très classiques dans ce type de famille-là. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui a permis justement de passer au-dessus de ces histoires complètement différentes et de se retrouver, de se construire une identité en France tournée vers l'avenir. Vous avez utilisé, Camille Lefebvre, ce mot d'identité. C'est vrai que la question se pose à un moment de l'existence de décider de faire un ouvrage comme celui-là à l'ombre de l'histoire des autres. Pourquoi là, aujourd'hui, ce besoin-là? Alors, il y a deux questions. Une question personnelle de votre vécu, vous y répondez si vous voulez. Et puis après, il y a une question plus professionnelle de la démarche de l'historienne. Ça, vous allez y répondre. Concrètement, donc, quand on est dans la deuxième partie de carrière d'une historienne ou d'un historien, on doit faire ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, qui est en deux parties, un travail original et puis une égo-histoire dans lequel on doit expliquer son parcours et comment on est devenu historien ou historienne. Et à cette question, pour moi, il était clair que ce qui m'intéressait de raconter plutôt que mon propre parcours que je trouvais pas très intéressant, c'était comment ces histoires familiales m'avaient construit en tant qu'historienne et jouer dans ma manière de l'être. Et ça, ça me paraissait vraiment intéressant. Et il y a une dimension personnelle aussi, qui est que mon père comme ma mère étaient fascinés par l'histoire de leurs parents, s'y étaient toujours intéressés de différentes manières, ma mère par la psychanalyse, mon père en faisant lui-même des recherches. Et donc, en quelque sorte, c'était prendre reprendre le flambeau et continuer, et voir ce que moi, je pouvais faire différemment de ce qu'eux, ils avaient fait, en essayant de voir si mon métier me permettait de trouver des choses qu'eux n'avaient pas trouvé. Et c'est aussi un dialogue avec eux, dans un dialogue avec eux que j'ai écrit ce livre. Un flambeau, ça se prend et ça se transmet. Et il y a aussi de cela, Camille Lefebvre, c'est de dire, je suis héritière de toute cette histoire, je reprends le flambeau de cet intérêt de votre père qui a commencé des recherches, donc, et de votre mère psychanalyste. C'est très intéressant dans cette démarche. Et puis, c'est un clin d'œil aussi à ceux qui étaient là avant, mais à transmettre à ceux qui sont là après. Voilà, et c'est quelque chose que j'aimerais bien dire à tous les gens qui aiment leurs grands-parents ou qui ont des histoires comme ça dans leur famille, c'est interroger-les, poser des questions. Les gens disparaissent. Les gens disparaissent vraiment parfois trop vite. On a regrette de pas avoir posé certaines questions. Et donc, construire cette mémoire-là à l'intérieur de la famille, en posant des questions, en notant certaines choses, parfois en enregistrant. Maintenant, c'est très facile d'enregistrer le récit d'une grand-mère ou d'un grand-père. En conservant les lettres aussi, quand les maisons se vident, parfois on jette tout. Mais parfois, on peut aussi conserver certaines lettres. Il y a même des associations maintenant, par exemple, comme Microarchives, qui viennent et qui prennent vos archives privées, et puis qu'il est en négociation avec vous, qui en font quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est important aussi, parce que cette mémoire des gens ordinaires, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment qui intéresse les historiens et les historiennes, et qui, dans les générations futures, sera extrêmement important. Je vous rejoins complètement, Camille Lefebvre. Il faut noter ce que disent les anciens. Il faut écrire au dos des photos, leur demander c'était qui, parce qu'après, on ne sait plus. Ah, c'est ça, c'est un enjeu fondamental, voilà. Toutes ces photos avec où il n'y a rien écrit, on ne sait pas qui sont ces gens. Mais ce sont des gens qui nous regardent depuis très loin, et dans des photos, il y en a dans votre livre « À l'ombre de l'histoire des autres ». Merci vivement de nous avoir présenté votre démarche d'historienne et cette histoire personnelle. Merci beaucoup, Camille Lefebvre. Merci à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment les historiens peuvent-ils faire du vrai avec du faux ? La diffusion des fausses nouvelles n'est pas un phénomène nouveau. Dès le Moyen-Âge, les documents falsifiés, voire inventés de toutes pièces, ont été monnaie courante, avec des conséquences parfois très importantes sur le plan politique ou juridique. Pour illustrer cette chronique, j'ai choisi l'exemple d'un faussaire qui n'a jamais été démasqué de son vivant. Il s'agit du colonel Abraham de Pury, un notable de Neuchâtel, qui fut l'ami de Jean-Jacques Rousseau. Nommé conseiller d'État en 1765, il fut démis de ses fonctions 2 ans plus tard par le roi de Prusse, alors prince de Neuchâtel, pour s'être opposé à sa politique fiscale. Pury voulut se venger de cette humiliation en se lançant dans un combat acharné pour que le pays de Neuchâtel s'émancipe du joug prussien et rejoigne la Confédération helvétique. C'est dans cette perspective qu'il fabriqua des documents historiques censés prouver l'ancienneté et l'étroitesse des liens entre Neuchâtel et la Suisse. Il publia dans la revue de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel les mémoires du chancelier de Montmollin, ouvrage dans lequel il citait des inscriptions latines imaginaires pour prouver l'origine romaine de Neuchâtel. Dans un autre livre, intitulé « La chronique des chanoines », il exhiba des documents qui démontraient, d'après lui, que dès le XVe siècle, des troupes neuchâteloises avaient contribué aux grandes victoires militaires des cantons suisses. Ces pièces historiques, fabriquées de toutes pièces, furent mobilisées pendant longtemps par les partisans d'un rattachement complet de Neuchâtel à la Suisse. L'habileté du faussaire était si grande que la supercherie ne fut découverte qu'un siècle après sa mort. À la fin du XIXe siècle, des érudits signalèrent des incohérences lexicographiques et chronologiques, remettant en cause l'authenticité de la chronique des chanoines, et démontrèrent que c'est le même auteur qui avait rédigé les mémoires du chancelier de Montmollin. Mais ces textes avaient connu une telle diffusion et une telle renommée au cours du XIXe siècle, à Neuchâtel et au-delà, que de nombreux historiens s'en étaient servis. Même Jules Michelet, dans son Histoire de France, s'extasia sur la prose de celui qu'il prenait lui aussi pour un chanoine chroniqueur du XVe siècle. « Je n'ai rien lu nulle part de plus vif ni de plus français », dit-il. La preuve matérielle que ces faux documents ont bien été forgés par Abraham de Pury n'a pourtant été apportée que très récemment, grâce à l'étude minutieuse des archives de la famille de Pury déposée aux archives de l'État de Neuchâtel. La lecture attentive de ces textes révèle l'existence d'un véritable atelier de faussaires et les complicités dont a bénéficié Abraham de Pury auprès de notables neuchâtelois unis par des liens de famille et d'amitié et surtout par leurs idées pro-helvétiques. Même si la collecte de matériaux authentiques fait partie des compétences essentielles d'un archiviste, cet exemple nous rappelle que l'histoire ne s'écrit pas uniquement avec des documents originaux. Les faux documents, ainsi que la documentation annexe qui en découle, peuvent représenter des sources historiques de première importance pour l'historien. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Alexandre Manzanares. Merci aux équipes techniques de France Culture. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Diudès, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.